Piste 34. Phonétique. Exercice 1. Distinguez les sons E, E, O. A. 1. C. Ce. 2. Le. Les. 3. Que. Qu'est. 4. Mais, me. B. 1. Sort, sœur. 2. Meurt, mort. 3. Cœur, corps. 4. Flore, fleur.